nouvelle collection pesto, wrap, poulet bol et salade. Cet été, décollez pour l'Italie avec Bene et compagnie. Concours réservé aux 18 ans et plus prend fin le 2 septembre. Règlement officiel complet sur bene-union-co.com. Réservez le meilleur du Québec avec le réseau Origine. L'hôtel V à Gatineau, idéal pour explorer l'Outaouais. La cage du lac Champlain pour des vacances au bord de l'eau. Le château Bellevue au cœur du vieux Québec. Réservez 35 hôtels et auberges sur originehotel.com. Rythme vous invite au spectacle le plus attendu de l'année. Don Juan, tournée 20e anniversaire. Le désir, la passion, l'amour. Des gens supplémentaires à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts dès le 7 août. Billets sur donjuan2024.ca et l'album 20e anniversaire est déjà en vente. Restez à l'écoute de Rythme pour tenter de gagner des billets. Chez Club Piscine, on passe en mode liquidation estivale. Avec des prix de fin de saison, juste à temps pour le début de vos vacances. Pas pire, non? Économisez jusqu'à 40 % sur le plus grand choix de meubles de jardin au Québec. Jusqu'à 1 800 sur une piscine hors terre chauffée. Ou encore, jusqu'à 3 400 en rabais et avantages sur l'espace jacuzzi. Même nos produits à prix imbattable sont réduits pour un maximum d'économies. Faites vite, les quantités sont limitées. Seulement dans vos magasins Club Piscine et au clubpiscine.ca. Le Festival Nuit d'Afrique, le plus grand rendez-vous des musiques du monde jusqu'au 21 juillet à Montréal. Pendant 13 jours, venez vivre une expérience festive et riche en découvertes au rythme d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine. Infos et billets sur festivalnuitdafrique.com. Le parc Jean-Drapeau, pour vous baigner dans l'un des plus beaux complexes aquatiques extérieurs, pour vous prélasser sur une plage de sable doré, pour vous divertir par des événements spéciaux 150e anniversaire présentés par l'Auto-Québec ou pour pique-niquer en nature, le parc est votre destination. En 2024, Marco aurait pu faire un voyage de 2 semaines en VTT, comme il en a toujours rêvé. En 2023, il aurait pu partir à la pêche au saumon en VTT. En 2022, il aurait pu embarquer son VTT dans son camion et partir à la découverte de nouveaux sentiers. Mais en 2021, Marco est mort en conduisant son VTT. En VTT, tu peux reculer, mais tu peux pas revenir en arrière. Vitesse, alcool, drogue, jamais en VTT. Un message du gouvernement du Québec. C'est la vente Maxi Rabais chez Maxi. Profitez de milliers de baisses de prix, dont les côtelettes de longe de porc à 2,44 la livre, le céleri à 1 $ chacun et le poulet haché à 3 $ les 454 grammes. Plus de rabais en circulaire et chez Maxi. Dans la vie, il n'y a pas beaucoup de certitudes. Mais tu peux être sûr que le soleil va se lever chaque matin. Tu peux aussi gager un vin que tu vas avoir besoin d'air et d'eau fraîche pour passer la journée. Puis ça fait pas de doute non plus qu'avec les forfaits 5G par abonnement de Public Mobile, tu vas payer le même montant chaque mois. Non, mais ça fait-tu du bien de savoir qu'il n'y aura pas d'imprévu à prévoir? Abonne-toi aujourd'hui et à toi, la tranquillité d'esprit. Public Mobile, à toi, la différence. DJ Ricky D. À rythme. Le party se poursuit dans 60 secondes avec DJ Ricky D. Une présentation de Chartrand Ford. Allô, toi. Oui, toi couché sur ton matelas MD tout neuf. Qui suis-je? Je suis aujourd'hui. On se connaît bien, c'est moi qui te réveille chaque jour. Je suis là pour te voir debout, pour te rappeler qu'il faut profiter de notre temps ensemble. Je suis pas un de 365, je suis un de un. Donc après une bonne nuit de sommeil sur ton matelas MD, c'est le moment de grimper, méditer, se balader, rire, manger, vivre. MD, défiez la journée. Découvrez nos matelas fièrement québécois. Détails sur MD.com. Suite au décès de ma mère, mon père se sentait seul et tracassé par toutes les tâches à gérer. Ça m'inquiétait, mais l'équipe de Bien chez soi avait une solution sur mesure. Après avoir évalué ensemble les besoins de mon père, Bien chez soi a trouvé Louise, la bienveillante parfaite pour l'aider à la maison. Au-delà des soins, elle aide mon père pour le ménage, les repas et lui tenir compagnie. Comme c'est toujours Louise à chaque visite, mon père se sent en confiance et moi aussi. Besoin de soins à domicile? Obtenez une estimation personnalisée gratuite sur bienchezsoi.ca. Rythme. Du Festival des Nuits d'Afrique de Montréal. En passant par les fêtes de la Nouvelle-France à Québec. Jusqu'à la fête du Lac des Nations de Sherbrooke. Tout le Québec est en mode vacances. Finally,

tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up. Hello, ici Ricky. Je le vois très bien sur notre radar météo ici à rythme. Je vois ces nuages, certains avec pas mal de pluie, qui descendent depuis le nord-ouest vers le sud-est. La côte nord, on est sous les nuages. Québec, on vient d'avoir de la pluie. Shawinigan, de la pluie. Trois-Rivières, de la pluie. Montréal, c'est assez couvert. Ottawa, ça s'est dégagé. Un peu plus dans l'ouest, ou le nord-ouest du Grand Montréal. Saint-André-Avelin, là où il y a spectacle de Marjo ce soir. Ça se dégage, les Laurentides. Ça se dégage, l'Estrie. C'est dégagé comme la Beauce. Amusez-vous bien. Demain, on prévoit du soleil, 25 degrés. Lundi, soleil, 27. Mardi, soleil, 27. Mercredi, soleil, 25. Au 4 à 7, cache-cache, Taylor Dane, tell it to my heart. Tell it to my heart. Tell me I'm the only one. Is this really love or just a game? Tell it to my heart. I can feel my body rock every time you call my name. Tell it to my heart. Tell it to my heart. To my heart, tell me I'm the only one. Is this really love or just a game? Tell it to my heart, I can feel my body rock every time you call my name. Tell it to my heart. Tell it to my heart. Is this really love?

persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Eh ben, y'en a encore. Encore du gros fun, DJ Étienne, aujourd'hui. J'en reviens pas. On a parlé avec le gars le plus heureux au Québec. T'as refusé une demande en mariage d'une top auditrice, Marie-Marie. Tu t'es affirmé. Tu m'as impressionné. Et tout un party, un gros merci aussi à DJ Ritmo pour nos mix. Sergio Moulin Rouge, pareil. Reste avec nous pour la spectaculaire Caroline Turner. Sur les coups de 7 heures, n'oubliez pas, dans le secteur de Montréal, il y a les feux, le Tau-Québec. Ce soir, la grosse affaire, la trame sonore sur nos ondes. En milieu de soirée, on va vous en parler. Caroline va s'occuper de tout ça. C'est big, c'est huge, c'est numéro un à la radio. La suite de votre radio préférée et plus via l'application Cogeco, Rythme et Ricky Lee, toujours facile à trouver via Facebook. N'oubliez pas qu'il y a un autre party 4 à 7 pour terminer, pour clore le week-end demain dimanche. Devinez quelle heure? Oui, madame! De 4 à 7 demain. Je vous y retrouve. OK. Merci d'avoir été là. Un gros papa. Plus de vodka, plus de vodka. hits pour l'été sont ici. Mixé avec celle-là. La playlist parfaite. DJ Ricky D vous a été présenté par Chartrand Ford. Trouvez-vous aussi le vrai service à l'auto et pourquoi c'est différent chez Chartrand Ford. 1610 Boulevard Saint-Martin-Est à Laval. Spectaculaire, grandiose, rassembleur, lumineux. L'International des feux Loto-Québec est de retour et rythme est comme toujours le diffuseur officiel. Restez à l'affût. Chaque jour, on vous offre la chance de gagner des billets pour assister à cette prestigieuse compétition pyromusicale en direct de la ronde. Ces billets vous permettent aussi de profiter des manèges toute la journée avec votre gang. Cet été, à l'heure où tombe la nuit, venez vivre la magie des feux avec rythme. L'été s'annonce encore plus festif avec le nouveau menu estival Baileys sans alcool de Tim. Découvrez les cafés infusés à froid et cappuccino glacé Baileys sans alcool. Des nouvelles boissons délicieusement onctueuses à savourer cet été seulement chez Tim. Dans les restaurants participants au Canada pour un temps limité. Il fait beau. Il fait chaud. Mais comme vos électro et meubles à remplacer n'en ont rien à cirer, vaut mieux être efficace pour étreiner votre crème solaire à piscine plutôt qu'au magasin. C'est pour ça que Germain Larivière tient son solde chercher, trouver, recevez. Le produit que vous voulez, Germain l'a en inventaire et il vous l'envoie rapidement. Évidemment, il faut aussi payer, mais c'est pas un problème quand ça rime avec économiser. Allez, passez vite en magasin et habitez vos rêves. Germain Larivière. Le spectacle le plus attendu de l'année. 12 juin, tournée, 20e anniversaire. Le désir, la passion, l'amour. Don Juan, tournée, 20e anniversaire. Deuxième série de supplémentaires. Place Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Dès le 7 août. Billets sur donjuan2024.ca. Et l'album 20e anniversaire déjà en vente. Connaissez-vous le service d'authentification gouvernementale? Il permet d'accéder à plusieurs services en ligne du gouvernement du Québec avec un seul compte. En 2024, le service d'authentification gouvernementale donnera accès à d'autres services en ligne du gouvernement. Soyez prêts. Faites comme plus d'1 400 000 personnes et créez votre compte en visitant québec.ca/authentification gouvernementale. C'est simple, rapide et sécuritaire. Un message du gouvernement du Québec. Voyagez mieux avec Air Canada. Vous pouvez profiter gratuitement de bières, vins et collations de qualité en classe économique, maintenant offerts aussi à bord de tous les vols au Canada et aux États-Unis. Cet été, à la vôtre. Découvrez tous les détails à aircanada.com. Chez Club Piscine, on passe en mode liquidation estivale. Avec des prix de fin de saison, juste à temps pour le début de vos vacances. Pas pire, non? Économisez jusqu'à 40 % sur le plus grand choix de meubles de jardin au Québec. Jusqu'à 1 800 sur une piscine hors terre chauffée. Ou encore, jusqu'à 3 400 en rabais et avantages sur les spas jacuzzi. Même nos produits à prix imbattable sont réduits pour un maximum d'économies. Faites vite, les quantités sont limitées. Seulement dans vos magasins Club Piscine et au clubpiscine.ca. Pour le million de timbres prime Goldstar, c'est moi qui ai gagné! La chance tombe toujours sur les hisseuses qui ne méritent pas. Veux-tu commencer à coller des timbres en attendant? Non! José! Il n'y a pas de danger, là! Il n'y a pas de danger! J'aime ce bingo, j'adore ce bingo! Moi, il est bien bon, et j'aime plus que le bingo! C'est de la musique de drogué, ça! Mes mauvais jusque jour là. Au cinéma. Cet été, profitez des concerts en plein air de l'OSM dans les parcs SiriusXM présentés par BMO avec vos amis et vos proches. L'Orchestre symphonique de Montréal fera des arrêts le 24 juillet à Brossard et le 27 juillet à Beaconsfield pour des concerts gratuits sur le thème du Noël des campeurs. Venez vivre des moments magiques sous les étoiles en compagnie d'André Robitaille avec des classiques de Noël tels que Casse-noisette de Tchaïkovski et La farandole de Bizet. Tous les détails sur osm.ca. L'OSM est présenté par Hydro-Québec. Savais-tu ça, toi, que le Ram 1500 a été nommé meilleure camionnette pleine grandeur selon la JAC l'an passé? Je sais que c'est le bon terme technique, mais moi, je rentre pas sur le chantier avec ma camionnette Ram. Je rentre avec mon camion. Ouais, ouais, je comprends. C'est là, mon mais... pick-up, c'est ma machine. Ouais, ouais, c'est beau. C'est mon poids lourd, c'est ça, c'est ma bête rugissante, c'est mon RAV. Obtenez jusqu'à 10 000 $ en rabais sur le PDSF ou financez à partir de 0 % jusqu'à 60 mois, taux effectif 3,85 % sur la plupart des RAM 1500-2024. Détails sur camionram.ca. T'es en train de jouer au basket avec tes chums quand tout à coup... Aïe, aïe! T'es frappé par l'attaque du snack. Contre-attaque avec les nouveaux régalos 12 pouces de Subway. Régalos? Comme les roulés 12 pouces à 5 $. Roulés, chauffés, faits pour être trempés. Ça a l'air bon. Le pretzel 12 pouces à 4 $. Chaud et moelleux. Oh, ça va mieux, là. Ou le biscuit 12 pouces à 6 $. Le biscuit Subway classique, mais énorme! Il est plus gros que ma tête! Oui. Régale-toi à longueur d'été avec les nouveaux régalos 12 pouces de Subway. Les prix des participations peuvent varier. Extra taxes et livraison reçues. Nouveau logis, nouveau matelas. Matelas Dauphin facilite votre changement de matelas en vous offrant toute une vente. Économisez des centaines de dollars sur nos matelas de grande qualité, plus taxes payées. Matelas Alcove ultra confortable avec plateau coussiné et couche confort haute densité, garantie 20 ans, format double, en spécial à 589 $, taxes payées. Livraison gratuite et rapide. La vente déménagement dans tous les matelas Dauphin et sur matelasdauphin.com. À Montréal, ta gagne, ton rythme. L'international des feux Loto-Québec de la Ronde, Paris. Avec Caroline Turner. Oh mon Dieu, je viens de recevoir une vidéo de Christine Baudouin qui est sur le site de la Ronde en ce moment. Et elle me montre à quel point il pleut à Sio, comme ça n'a pas de sens. Elle peut même pas circuler jusqu'à la régie. Puis je suis comme, voyons, je viens juste d'aller dehors. Je suis rentrée dans le stationnement de Place Bonaventure, il y a 2 minutes à peine, et ça a parti d'une traite. Mais savez-vous, c'est quoi la bonne nouvelle qui ça tombe maintenant? C'est qu'on sera probablement épargné pour les feux Loto-Québec à 22h ce soir, OK? On va vous tourner la trame du Canada et on va vous transporter jusqu'à Walt Disney. Quand j'ai vu la trame, je me suis dit, oh my God! Mon fils et moi, on aurait adoré être là. On va en avoir un compte-rendu de la part de Christine, justement, tout à l'heure. Et on va faire le party ensemble ce soir. On s'en va sur le plancher de danse avec Yannick et ses soirées-là. Tout de suite, c'est Billy Dupage et Fake Friends. D'où vous regardez les feux ce soir? 11-007 à rythme. Un jour, tu es moi, première fois que t'agis comme ça. Et demain, je fais plus rien, est-ce que c'est déjà la fin? À quoi tu penses que je vais me laisser emporter par tes mots? Et à quoi tu penses je veux plus jamais endurer ton ego? I'm so tired of my fake friends. Tu pars et tu reviens quand ça te convient. I'm so tired of my fake friends. Chaque fois c'est le même jeu, le même refrain. Pourquoi faire semblant de m'aimer, même si c'est pas la vérité? I'm so tired of my fake friends. So tired of my fake friends, fake friends. Un jour tu reviens, première fois que ça me fait plus rien. Plus capable, c'est assez. Le fake, je peux plus supporter. À quoi tu penses que je vais me laisser emporter par tes mots? Mais à quoi tu je veux plus jamais endurer ton ego. I'm so tired of my fake friends. Tu pars et tu reviens quand ça te convient. I'm so tired of my fake friends. Chaque fois c'est le même jeu, le même refrain. Pourquoi faire semblant de m'aimer, même si c'est pas la vérité? I'm so tired of my fake friends. So tired of my fake friends, fake friends. À quoi tu penses que je vais me laisser emporter par tes mots? Et à quoi tu penses je veux plus jamais endurer ton ego. I'm so tired of my fake friends. Tu pars et tu reviens quand ça te convient. I'm so tired of my fake friends. Chaque fois

cet été. Tout le monde cherche à s'échapper. De s'arrêter. Si l'on nageait sans respirer, aurons-nous de l'air cet été? Tout le monde cherche à s'échapper. Karine a la chance d'avoir un ami qui habite à Sac-sur-le-Fleuve. Ça, c'est le premier building sur le bord du fleuve avec la vue directe sur le pont en quartier Les Feux Loto-Québec. Pas pire VIP, elle. Bon, pas autant que direct sur le site La Ronde. On va jaser justement à Christine Beaudoin qui y est dans un instant. Ses deux frères à rythme. Quand t'approches la fin, qu'est-ce qu'on devient? Est-ce qu'on peut rester les mêmes? On se lasse, on se délaisse, on s'attaque, on se blesse, on s'égare, on regrette. Quand le temps s'arrête et qu'on perd la tête, est-ce qu'on peut grandir quand même? Notre morceau à radio, prêt pour un dernier slow, avant de partir en solo. La chanson va s'achever. Que quelques vagues, le bord fini de se vider, trop tard pour tout refaire. Si le rideau t'a tombé, il reste encore petit refrain. C'est ensemble qu'on le chante et nous ressemble et nous retient. On peut s'aimer quand même. On s'est lancé des flèches, mais en silence nos détresses nous rappellent l'essentiel. La musique s'est arrêtée, le rire dans nos rêves. Les lumières sont allumées pour trouver nos repères. Si le rideau chanter, et nous ressemble et nous retient. Aujourd'hui, la télévision est venue nous voir pour constater l'état du désespoir. Une couple de sans-abri à la veille de Noël. Ça, c'est un beau sujet pour le show des nouvelles. La caméra d'en face, j'y faisais des grimaces. Mais qu'est-ce qu'ils font là à filmer ma carcasse? C'est pour un reportage sur les plus démunis. Voudrais savoir ton nom, voudrais votre taudis. J'invite pas très taudis, tu m'appelles pas, je viens tout seul. En fait, t'es coincé, il y a ben mon poing sa gueule. Chosen Johnny travaille pour les yuppies. Si j'avais le droit de voter, je voterais pas pour lui. Et alors, mais tu sais, lui, pourquoi tu vis dans la rue? Je dis, fais passe-moi à pas, puis je vais en compter des buts. Yeah! D'intérêt public, de savoir si je me fique. Tu vois-tu la robine, tu fous-tu d'un poubelle. Parle-moi les détails de ma vie sexuelle. Bonnette, branlette, canette, ginette. Quand t'es mangé, je m'en vais me saouler. Tu vas savoir plus long si tu me donnes un peu de fric. C'est comme le dilettant des alcooliques. Alors mets du salut, pourquoi tu vis dans la rue? Que tu m'enfonces-moi à part, puis je vais encore tes buts. Yeah! Même pas d'adresse. Ça fait que je t'allais checker un petit logement de deux pièces. On peut pas te le louer. T'as même pas de à ce moment-là. Pas que je dis ben passe-moi à pas. Ben passe-moi à pas que je vais en compter des buts. Yeah! C'est la soirée de l'international des feux Loto-Québec à la ronde. Rythme. Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux d'étoiles sont violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous mes enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciels. Pour les temps, tes neiges éternelles. J'habite où tes yeux brillent, où ton sang coule des bras de sel. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sous le vent. Le feu du soleil au visage et le bleu des océans. Je veux des chameaux, des mirages et des misères en boutant. Des caravanes et des voyages comme sur les dépliants. Va pour tes cocotiers, tes rivages. Va pour tes lagons tout bleu balançant. J'habite où l'amour est un village, là où l'on m'attend. J'irai, tu iras, mon pays sera toi. J'irai, tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. depuis du sud et du sud et d'ouest. International des feux Loto-Québec de la Ronde arrive. Et on aura une méchante belle soirée, même si là, pour tout de suite, ça va l'air. Parce qu'il n'y a plus un déluge, Christine. Ouais, mais qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit, Caroline? Après la pluie. Le beau temps. Voilà, voilà. Fait que la bonne nouvelle, c'est que c'est arrivé, là. La pluie, elle est tombée. Oui, ça a été un peu déluge. C'est comme un classique à la Ronde, hein? Les journées chaudes comme ça. Ça se termine, bon, dans la flotte, mais la bonne nouvelle, encore une fois, c'est arrivé et ça n'a pas duré longtemps. Eh oui, puis t'étais avec une gang de camp de jour, ça me fait rire. C'est tout juste qu'on n'a pas crié mon nom pour me ramener à l'ordre, mais en tout cas, j'ai réussi à sortir de ça. Et maintenant, je suis sur le site, l'estrade est déjà en train de sécher. Tout a lieu, évidemment. Les vents sont bons, pas trop forts. La pluie, elle a cessé et les prévisions sont bonnes. Donc, le Canada va nous le Canada. Bien, on l'espère. Écoute, c'est le thème, hein? Voyage épique. Donc, on célèbre la découverte, le voyage, l'aventure, sous toutes ses formes. Puis en regardant un petit peu la programmation musicale ce soir, j'ai réalisé qu'on va entendre beaucoup de chansons de films de Disney. Ouais. Il y a You're Welcome de Dwayne Johnson, donc dans le film Moana. Uh-huh. Il y a une chanson de Phil Collins dans Three Brothers, donc c'est le film Mon frère l'ours. Ouais. Des classiques, là. Oui, j'ai remarqué Avatar aussi. Ça vient me chercher. Tu vois Avatar avec son gars qui est un petit peu plus vieux, ça fait beaucoup de sens. Ouais. Une version revisitée aussi du classique What a Wonderful World. Ça, c'est pour les nostalgiques, pour les plus vieux, les plus jeunes. Bref, ça va être tellement bon. Et c'est encore une fois, c'est le Canada, c'est chez nous. Puis il y a beaucoup de monde, là, malgré la pluie, il y a encore beaucoup de monde sur le site. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'après la pluie, il y a aussi beaucoup moins de monde dans les manèges d'habitude. Fait que si vous arrivez dans ces heures-ci, là, vous allez voir que vous allez avoir presque la ronde à vous tout seul. Donc, profitez-en avant que ça se remplisse. Exact. Là, il reste 30 minutes pour passer sur le pont Jacques-Cartier. Oui. Sinon, le métro, toujours disponible. Voilà. On arrête à la station du parc Jean-Drapeau. Puis on s'en prend la navette pour se rendre sur le site de la ronde. Puis on vient de dire un coup. Voilà. Christine, je te laisse justement profiter des files courtes des manèges. Puis on se repart dans une heure. Ah, le soleil s'en vient. Salut. Salut. Où sont les belles idées? Vilain pingouin aussi, ça s'en vient à rythme. L'été, ça sonne comme ça. On danse encore. Oh, on danse encore. La musique en mode vacances. Rythme. J'en ai une idée. Ben non, il chante pas en français, lui. Ben oui, c'est un français. Pourquoi il s'appelle Hal Day? Caro, on t'attend pour le meeting. Je le sais, mais je voulais juste finir ça. Ils sont tellement niaiseux. Mais voyons, il y a plein de façons de les écouter, là, même quand le show est fini. Sur l'app Cogeco Média, mais tu vas avoir tout ça dans la section rattrapage du rythmefm.com. OK, je m'en viens. Votre équipe du matin, La Terrasse, puis Mathieu Dufour, Le Retour. Tous les meilleurs moments de votre gang préférée sont sur l'app Cogeco Média et dans la section rattrapage du rythmefm.com. L'Atlas de Volkswagen a 7 sièges et une capacité de remorquage jusqu'à 5000 livres. C'est parfait pour tirer ton bateau, ce capitaine. Financez l'Atlas à 0,99 mail et qui dort avec la couette Smasport de Ikea à 49,99. Et voici le son fait par une personne qui parle dans son sommeil et qui dort avec la couette Smasport de Ikea à 39,99. Pamplemousse. Avez-vous entendu la différence? La seconde est 10 $ moins chère. Mêmes articles de qualité, nouveau prix réduit. Découvrez le nouveau prix réduit de plus de 1300 articles IKEA dès aujourd'hui. Il n'y a rien de mieux qu'un party terrasse avec parents et amis pour célébrer l'été. T'es d'accord? Chaque jeudi, durant le retour avec Mathieu Dufour, cours la chance de gagner 25 000 points mois grâce à Super C. 25 000 points mois. Ça représente 200 $ d'épicerie chez Super C. Et tu deviens automatiquement finaliste au tirage du Grand Prix. 2000 $ en carte cadeau Super C. Ça permet tout un party terrasse. Super C, oui, c'est la destination pour profiter d'une super sélection de produits de qualité à super prix. C'est super, Super C. Vous avez trouvé tout ce que vous cherchiez? Oui. Wow! Ah, ça, c'est les points Inspire de votre offre extra. Juste pour vous. Il y en a beaucoup. Et avec cette bouteille-là, ça en donne combien? On va voir. Oh, wow! Les points tombent bien à la SAQ pendant l'offre extra. Découvrez votre offre exclusive sur l'appli ou en succursale avec votre conseiller ou conseillère. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus. Détails sur SAQ.com. Cet été, profitez des concerts en plein air de l'OSM dans les parcs SiriusXM présentés par BMO avec vos amis et vos proches. L'Orchestre symphonique de Montréal fera des arrêts le 24 juillet à Brossard et le 27 juillet à Beaconsfield pour des concerts gratuits sur le thème du Noël des campeurs. Venez vivre des moments magiques sous les étoiles en compagnie d'André Robitaille avec des classiques de Noël tels que Casse-noisette de Tchaïkovski et La farandole de Bizet. Tous les détails sur osm.ca. L'OSM est présenté par Hydro-Québec. Salut, c'est moi, votre experte en sommeil chez Dormez-vous. Hey, pour vous, le son de la fraîcheur, est-ce que c'est ça? Ça? Ou ça? En passant, c'est le son de quelqu'un qui dort sur un matelas rafraîchissant. Chez Dormez-vous, on veille à votre sommeil et on vous accompagne dans votre quête de fraîcheur. Durant l'événement Dormez au frais, obtenez un matelas grand lit avec une technologie rafraîchissante pour seulement 449 $. Faites vite, l'offre se termine mardi seulement chez Dormez-vous. Du coup, vous aurez Internet pure fibre, la technologie la plus rapide, téléfibre, le meilleur service télé, et du coup, Crave est aussi inclus. Ok, mais quand vous dites du coup, c'est quoi le coup? Du coup, le coup, c'est 79 $ par mois. Fait que ça vaut le coup. Ouais, du coup. Faites équipe avec Bell et obtenez Internet Fibre 150, téléfibre incluant 5 chaînes de votre choix telles que Canal D, Canal V et Z, en plus de Crave, pour seulement 79 $ par mois. Visitez Bell.ca pour vérifier la disponibilité. Avec une offre record et un prix en or, la vie est belle. La grande nouveauté à Mont-Tremblant cet été, le spectacle de cirque pour toute la famille, Cabaret Éclat Tremblant. Une création des 7 voies de la main présentée par Loto-Québec. Plongez entre lacs et montagnes, vertiges et voltiges, avec les 7 doigts de la main dès le 24 juillet, présenté par Loto-Québec, sous le grand chapiteau du casino de Mont-Tremblant. Cabaret Éclat Tremblant, un spectacle pour grands et petits. Réservez votre place au cabaret-éclat-tremblant.ca. Saviez-vous que Mazda est la marque la plus primée de l'histoire de l'Association des journalistes automobiles du Canada? Et qu'en juin 2024, Mazda avait plus de VUS récompensés par le prix sécurité Top Safety Pick 2024 de l'IIHS que toute autre marque? Venez découvrir pourquoi Mazda se démarque parmi tant d'autres à l'événement Découvrez Mazda. Et profitez d'offres exceptionnelles avec des bonus Mazda jusqu'à 1000 $. Faites vite, l'événement se termine le 31 juillet. Les conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire Mazda. Chez Play Audio, nous pensons que le jeu en ligne est un divertissement. Si vous êtes préoccupé par vos habitudes de jeu ou celles d'un proche, nous sommes disponibles pour vous offrir de l'information. Consultez notre page Jeux responsables en ligne. Parce que chez Play Audio, le jeu en toute sécurité est notre priorité. Chez Club Piscine, on passe en mode liquidation estivale. Avec des prix de fin de saison, juste à temps pour le début de vos vacances. Pas pire, non? Économisez jusqu'à 40% sur le plus grand choix de meubles de jardin au Québec. Jusqu'à 1800 $ sur une piscine hors terre chauffée. Ou encore, jusqu'à 3400 $ en rabais et avantages sur les spas jacuzzi. Même nos produits à prix imbattable sont réduits pour un maximum d'économies. Faites vite, les quantités sont limitées. Seulement dans vos magasins Club Piscine et au clubpiscine.ca. Rythme en mode vacances est en direct de La Ronde ce soir. Vivez toute la magie de la plus prestigieuse compétition pyro-musicale avec le diffuseur officiel de l'International des Feux Loto-Québec. Patricia Paquin, bonjour! Eh bien oui, je suis en vacances. J'espère que vous en profitez autant que moi. La terrasse, le barbecue avec mon chef, les amis, la piscine. Hey, je vous laisse, j'y retourne. À bientôt, là! Rythme. La fumée sort de mon iPhone. La table brûle, les décomptes. Y'a des heures de fin du monde, mais on danse encore. Toutes nos stories se ressemblent. Ça cache des histoires plus sombres. On sait que derrière nos sourires, y'a des bombes qui tombent. Dans son corps. Tout le monde regarde le show, les yeux dans son fond. Tous ensemble, on pense avoir le contrôle. Tout le monde en solo, seul à la fin du monde. On est tous en mission pour un même corps. On danse tous les jours la même danse, comme Britney dans son salon. J'ai l'impression qu'on manque de substance. Je vois les crackheads de mon balcon. J'arrive en retard à ma réunion. Parce que tout le monde est sous le vivant. On veut juste survivre à la violence. En regardant brûler nos maisons. On danse encore. On danse encore. On danse encore. On danse encore. Tout tomber, mais je respire. Y'a une autre planète à construire. La barrière qui est heureux. On a appris, on fera mieux. Le ciel est beau, regarde les nuages. Le bonheur, ça prend des orages. J'apprends à me servir de ma rage. Pour accumuler un petit bagage. Je fais la soif autour du feu. Regardez tomber les étoiles. 52 des années de ciel bleu. Finalement, c'est super bas. On se rappellera de la fin du monde. Souvenir du jour dans nos rêves. Je ne verrai pas les dents sur dents. Je vais mettre ma tête sur ton épaule. Oh oh oh oh oh. On danse encore. Oh oh oh oh. On danse encore. Oh oh oh oh. On danse encore. Oh oh oh oh. On danse encore. Tout le monde regarde le show. Les yeux dans son fond. Tous ensemble on pense avoir le contrôle. C'est l'International des Feux Loto-Québec avec Caroline Turner. Rhythme. Comme une musique quand on dit mais des mots. Tes premiers cris déchirant la nuit donnaient un nouveau sens à mon vie. Et ces souvenirs qui me reviennent ne font rien pour alléger ma peine. On voulait te protéger de tout, mais on t'a pas protégé de nous. Où sont les belles années? Où sont les belles années? Où sont les belles idées? Où sont les belles années? On a vieilli et on s'était vieilli de nos erreurs et de nos repentirs. Et tous ces cris déchirant des nuits, c'était la mort de l'amour quand elle fait du bruit. Parce que les raisons et les bonnes intentions, ça n'empêche pas la fin des saisons. On voulait te protéger de tout, mais on t'a pas protégé de nous. Où sont les belles années? Où sont les belles années? Où sont les belles idées? Où sont les belles années? quand la nuit nous égare. On sait plus trop où est-ce qu'on est. On s'accroche à ce qu'on avait beau pour jamais oublier. Pour savoir où chercher. Hey! Où sont les belles années? Où sont les belles années? Où sont les belles idées? Où sont les belles années? Où sont les belles années? Où sont les belles années? Où sont les belles idées? Où sont les belles années? Il y a toujours trop de bruit, trop de silence, plus à demander si, plus vite et dit, j'ai plus envie de rester, je rentrais, je restais, je rentrais, mais qui sait, et je pleure dans ma tête, j'ai jamais le cœur à la fête, j'ai plus envie de rester, je rentrais, je restais, je rentrais, j'en ai marre. I feel like a zombie, I'll die at the party. Yeah, you'll find my body fully covered in confetti. I tried calling somebody to tell them come get me. But you'll find my body fully covered in confetti. Singing la da da da da. Présence de Charlotte Cardin dans de nombreuses villes du Québec. Et moi, je suis impatiente, même si je l'ai vue bon nombre de fois, de la revoir à Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'International des Montgolfières. C'est le 16 août. Dans cet International des Feux Loto-Québec, ce soir, le Canada, France d'amour s'en vient. Et tout de suite, c'est Ariane Moffat, des Réverbères. Vous êtes à rythme partout au Québec. Je suis ok, j'ai l'habitude. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin.